Nouveau fléau qui va crescendo sur ma sono, le proprio, des ondes FM de Paname jusque des dos. Le rap, Bezos, l'alter ego, l'air mafioso, tu prends quand tu pédales ton pédo. Même scénario, le gringo monte en scène, se la pète, préfère sa faire sa wesh américaine. Il a le temps pour la mondaine, pas celui du FN. Oublie ses racines africaines, voilà ce qui me fout la haine. Où sont passés les commandos, ont-ils existé? Faut-il inventer une nouvelle Gestapo? Du rap qui prend en trac les colons, les fachos, les faux politiques, les détracteurs du rap. Way yo, j'suis la Nikita du rap, j'suis son Nibal, j'balance toujours mon récital. Avide d'instrumental, je pose un lyrical, musical, raconte la vie générale. Je rappe, c'est comme toi pour manger, mais je n'oublie pas les choses que j'aimerais voir changer. Si je rappe pour la famille du bled en danger, je garde en tête les injustices que je veux voir venger. Je rappe, c'est comme toi pour manger, mais je n'oublie pas les choses que j'aimerais voir changer. Si je rappe pour la famille du bled en danger, je garde en tête les injustices que je veux voir venger. Je rêve la dalle, je rêve d'un monde meilleur où mes géniteurs détresse, passion, courage vendront les honneurs, me sortiront de cette puanteur, morale infernale qui satanise les humeurs. Oh Seigneur, on me dit souvent que rien ne sert de s'énerver, griffonner, s'attarder, gommer pour recommencer. Dois-je ignorer les 300 jeunes qui tentent de se suicider chaque jour en France? 40 vont dire rester donc mieux que des condoléances, posées avec insistance, savent ton éloquence et pour l'assistance. Je veux bien plancher, essayer de te faire bouger, penser, changer, quitte à te faire gamberger, mais pour un regard réveillé, une âme prête à lâcher son habit moulé, formalisé, j'accepte de me triturer la cervelle, même si mes mots s'en mêlent, ils sortiront grâce aux plaquettes d'un porcel. Je rappe, c'est comme toi pour manger, mais je n'oublie pas les choses que j'aimerais voir changer. Si je rappe pour la famille du bled en danger, je garde en tête les injustices que je veux voir venger. Je rappe, c'est comme toi pour manger, mais je n'oublie pas les choses que j'aimerais voir changer. Si je rappe pour la famille du bled en danger, je garde en tête les injustices que je veux voir venger. Je suis pas là pour soulager, détendre ou faire digérer. Mes mots doivent être ingérés. En premier aspect, j'adoucis la plaie. Disons plutôt que je taille définitivement l'abcès. Je vais dans le boycott la bonne parole. Douce, mielleuse comme un air de New Jack créole. Auréole de piste, ça pue la merde, c'est pathétique, irréel. Pourtant, c'est vrai, trop de gens s'y perdent. Ceux qui rappent pour la gloire, la frime, les femmes, le pouvoir. Et les congés devraient être poursuivis pour malveillance, pour mon assistance à personne en danger, y a danger. Je rappe, c'est comme toi pour manger, mais je n'oublie pas les choses que j'aimerais voir changer. Si je rappe pour la famille du bled en danger, je garde en tête les injustices que je veux voir venger. Je rappe, c'est comme toi pour manger, mais je n'oublie pas les choses que j'aimerais voir changer. Si je rappe pour la famille du bled en danger, je garde en tête les injustices que je veux voir venger. Je rappe, c'est comme toi pour manger, mais je n'oublie pas les choses que j'aimerais voir changer. Si je rappe pour la famille du bled en danger, je garde en tête les injustices que je veux voir venger. Je rappe, c'est comme toi pour manger, mais je n'oublie pas les choses que j'aimerais voir changer. Si je rappe pour la famille du bled en danger, je garde en tête les injustices que je veux voir venger. Niga, au lieu de boire ta bière, crois à mon formulaire et mes sévères dans tes cellulaires. Pas d'efficacité sans unité, formons notre société dans la société. Au lieu de ça, toi tu t'exposes. Et comme une bombe H, la vie t'explose. Oh, ose me dire qu'aujourd'hui t'as pas compris que j'augmente la dose de TVR dans mes lyrics. Dans mon entourage, y'a des tutrés, des lance-bas, des gens comme ça qui dès leur plus jeune âge exercent ça. Tes missions de sabotage, reste à... Chacun de faire sa part de nettoyage, je persiste. Suis la piste de l'afro-lépéniste par trop simpliste. Et des fétistes. Agrandis la liste, miss, des choses qui m'attristent. Consulte tes archives, sois réaliste. Atterri ! Mais où ? Où ? Étions-nous pour ces 47 Zaïrois rapatriés ? Et de surcroît ligotés. Ramenés à l'état d'animal sans aucun droit. Moi qui voyais la France comme terre des droits. Des droits de l'homme. On nous les gomme, on nous Sodome. Cesse donc d'être la pomme de Babylone. On démolit des tours de béton. Crée de nouvelles associations, les médias font. De brèves apparitions. Dans notre monde, rares sont. Les noirs et les arabes admis en classe de seconde. Garçons. Tous ne sont qu'une vulgaire forme de compassion. Et cela ne changera rien notre condition. La détermination qui m'anime avive ma passion. L'insoumission. À laquelle j'appelle ma nation est la première forme de mes agressions et au diable. Motherfucker. D'intégration. Fais tourner la circulaire, frère fier. Reste intègre si tu veux faire partie de ma pègre. Remplis ce formulaire. Fais tourner à tous tes frères. Coopère, adhère. Eh, vous êtes relou, hein.